Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission du Podcast Auto, émission du 9 décembre 2014. Ce soir, grosse émission, je vous en parlais il y a quelques semaines d'un jeu que deux personnes que je connais, ben une personne que je connais plus, une personne que j'ai rencontrée quelques fois et qui est avec nous ce soir, a créé. Mais avant, petit suspense, je vais vous présenter mes deux comparses qui sont avec moi à peu près toujours. Jean-François Beaulieu, salut Jean-François. Salut, ça va bien? Ça va bien toi? Ça va très bien. Puis on a aussi Martin Sagala, monsieur camionneur. Salut Martin. Salut Luc. Ça va? Ben oui. Et puis notre invité, non, ce n'est pas Marc Bouchard. La semaine passée, je vous parlais qu'on aurait Marc et Bertrand Godin sur l'émission. Marc a eu un petit empêchement, mais Bertrand vient tenir le fort et nous parler de son jeu questionnaire qui ont sorti. Salut Bertrand. Hey, salut Luc. Salut Jean-François. Salut Martin. Salut. Ça va bien? Hey, ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je trouve ça super fin de ta part. Je t'avais rencontré au salon l'année passée, on s'était croisés, puis je t'avais jasé un peu, puis je t'avais trouvé vraiment hyper sympathique. Fait que je trouve ça le fun que t'aies accepté aussi de venir faire un tour ici dans notre humble petite émission. Les passionnés d'automobile, ça me fait toujours plaisir. Ouais, on n'aille pas ça pendant tout. Avoir de l'argent, j'aurais une belle collection, mais là, faut tenter à un moment donné. Donc, Bertrand, le jeu que t'as créé avec Marc et bon, il y a toute une équipe quand même en arrière de ça. Donc j'ai même lu dans les personnes qui ont travaillé sur le jeu, il y a le fils de Marc et on va chercher du cheap labor. Ouais, ben c'est ça, la main-d'œuvre coûte moins cher. Puis de toute façon, même mon gars a contribué, puis il me doit encore quelques pelouses. OK. Donc j'ai fait à sa place, donc je lui ai dit en échange, on va s'organiser pour des questions. Ouais, non, j'ai trouvé ça le fun que vous impliquiez vos enfants là-dedans. Puis Marc, ben son fils William est venu sur un autre podcast que je fais la semaine passée, un podcast de technologie. Il est venu nous faire une critique d'un jeu vidéo. Puis franchement, il s'exprime super bien. Puis on n'est pas, ceux qui me connaissent, mais la plupart de mes podcasts sont pas hyper sérieux là. C'est vraiment pas ici Radio-Canada. Fait que c'est vraiment comme pour le fun, puis il a super bien fitté dans le moule, comme on pourrait dire. Il a fait des blagues pis ça, fait que c'est un jeune qui est hyper réveillé pour son âge. Il a comme 15 ans. C'est vraiment incroyable. Fait que vous les embarquez un peu là-dedans, je trouve ça le fun. Ça leur donne de l'expérience dans quelque chose de différent. Puis on sait jamais, ça va peut-être les intéresser, puis ils vont peut-être suivre vos traces d'amateurs d'auto. Est-ce que ton garçon est aussi intéressé envers la voiture que toi tu l'es, ou c'est un peu moins comme Marc, son gars a plus l'air jeu vidéo? Toi, est-ce que c'est la même chose ou? C'est pas mal identique. Anthony, lui, c'est beaucoup plus la science qui l'intéresse. L'automobile, c'est certain que j'aurais aimé ça, qui aime l'auto, qui aime l'aviation. Ces choses-là. Regarde, juste pour vous dire, j'ai un beau simulateur à la maison, ça vaut bon, facilement 25 000 $ là, ce simulateur-là. Et puis, jamais il me demande d'embarquer dedans, alors que les copains, ses copains, quand ils arrivent à la maison, la première chose qu'ils disent, waouh, je veux l'essayer. Donc, même mon garçon, des fois, il est un peu jaloux du simulateur parce que c'est vraiment quelque chose là qui se rapproche un peu de la réalité. OK. Puis j'imagine tu t'en sers pour, ben tu sais, en tant que pilote de course, tu dois vouloir aller chercher une sensation similaire à ce que tu avais en piste. C'est sûr, on peut pas tout reproduire dans un salon puis un simulateur, là, mais tu dois essayer d'avoir quelque chose qui se rapproche un peu à la sensation que tu avais quand tu conduisais. Ouais, ben de la manière que c'est arrivé, ça, c'est que D-Box qui font des activateurs de mouvement. Ouais, à un moment donné, cinéma, m'ont demandé de. Oui. Oui, ils m'ont demandé d'aller faire une présentation à leurs actionnaires de leur simulateur. Puis à l'époque, il y avait seulement trois activateurs, c'est-à-dire deux en avant, un en arrière. Donc, ils avaient reproduit des mouvements, les donc, tu avais l'impression de conduire une F1 sur une route de gravier. Puis là, j'avais commencé à discuter avec. Puis là, ben, j'avais dit, on faudrait faire des tests, puis y aller vraiment avec quatre activateurs et reproduire les mouvements de suspension. Okay. Parce que, bon, vous savez, les voitures sont équipées de capteurs qui vont enregistrer le nombre de degrés du volant, combien de millimètres les amortisseurs se sont compressés lorsqu'on est arrivé au freinage, lorsqu'on prend les virages. À partir de là, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont reproduit ça. Si bien que quand on est à bord du simulateur, On sent les transferts de masse sur l'avant, l'accélération sur l'arrière. On sent même la petite vibration du pneu qui patine parce qu'on a donné trop d'accélération. Donc, faut avoir le gros orteil sensible, surtout quand tu as des véhicules de 800 chevaux. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et pour donner de la formation, j'ai même donné beaucoup de formation à certains pilotes sur comment communiquer, les réactions d'une voiture. Et ça, c'est fort, fort intéressant. Puis tu te sers de quoi comme parlant de jeux de course, tu parles au geek amateur de jeux de char en moi. Tu utilises quoi? Est-ce que tu as un jeu de simulation précis que ça te prend qui marche avec ton système ou tu peux mettre n'importe quel jeu de course puis le D-Box va interpréter? Ben, il y a beaucoup, quand même, une belle gamme de jeux qui va justement être compatible avec le D-Box. Moi, j'ai toujours utilisé Air Factor. Le logiciel, ben, c'est quand même une communauté assez large. Je sais que, bon, il y a des logiciels qui sont plus avancés sur le plan graphique. C'est sûr que sur, je vais avoir un maximum de circuits. Et là, comme c'est là avec Air Factor, j'ai pas loin de quoi, un peu plus que 200 circuits différents. OK. Donc, à ce moment-là, ben, il y en a beaucoup des circuits que j'ai roulés. Dans ma carrière, j'ai roulé à peu près 325 circuits différents. Donc, c'est intéressant de retourner sur des circuits que je connais à bord de certains même véhicules que j'ai déjà conduits. Donc, pour moi, ben, c'est vraiment de revenir un peu dans le passé et puis. Quand je pars pour une course et que je fais 2 heures à bord du simulateur, ta concentration est tellement au maximum que tu sors de là complètement vide, même en sueur. Donc, c'est pour moi une belle façon de continuer à rester actif. Ouais, mais c'est, non, ça va être le fun, surtout si ça peut te donner un peu les mêmes sensations puis tout ça, ça doit être quand même assez intéressant. Si on revient si on va vers votre jeu questionnaire que vous avez fait, bon, c'est les incollables, ça existe dans plusieurs différents domaines. Il y en a pour le vin, il y en a pour la cuisine, puis il y en a une coupe dans la collection. D'où est venue l'idée de faire un jeu de questionnaire sur l'automobile? Puis deux, pourquoi les incollables? Est-ce que c'est eux qui vous ont approché? Est-ce que c'est vous autres qui cherchiez des gens vers qui aller pour créer ce jeu-là? Qu'est-ce qui a été le processus de création? Comment vous est venu à l'idée de faire ça? Hé là là, à un moment donné, j'ai reçu un coup de téléphone, je venais de terminer là, de donner des formations à l'École nationale de police. Téléphone sonne, puis là, ben, c'est une dame qui m'appelle pour me dire, bon, on a un produit qui s'appelle Les Incollables, c'est des jeux questionnaires, je vais vous envoyer des échantillons. Puis là, on m'avait envoyé un échantillon sur Les Incollables hockey. Et là, quand j'ai vu ça, ouais, j'ai dit, c'est intéressant. Et puis, on a parlé un peu du processus. Moi, ben, disons que j'en avais plein de pompons. J'ai pas mal d'activités là entre TVA Sport avec Jean Pagé pour la description des courses IndyCar, des conférences. On te voit Je pas fais mal l'analyse. partout. Ah oui, ben c'est ça. Donc, à un moment donné, là, c'est le temps qui manque. Je suis aussi père de famille. Donc là, j'ai dit, ouais, je serais prêt à le faire, mais faudrait que j'aie d'autres personnes autour. Et là, naturellement, je pensais à mon bon ami Ouais. Marc Bouchard. Donc, j'ai parlé à Marc, puis Marc a dit, hey, wow, c'est super, on va faire ça, on va prendre ça. C'est certain que c'est 800 questions. Donc, sur le coup, tu te dis, ben, entre le sport automobile, le cinéma et l'automobile, les grands manufacturiers, la mécanique, ben je me suis dit, ben ça va être quand même assez facile. Finalement, disons que le C'est travail a beaucoup, été 800. assez ardu. Oui, c'est beaucoup sur le coup, là. Tu dis, ah, ça va bien aller, mais heureusement, les éditions Caractère, nous ont donné quand même un schéma de travail qui nous a permis, là, justement, d'établir les catégories et puis d'y aller de façon assez séquentielle pour concevoir là, les questions. Par la suite, ben, toute la mise en page, si on veut, du produit, ben, ça, c'est les éditions Caractère qui ont fait. Ils ont fait quand même quelque chose de très joli, très, très bien imagé. Et bon, pour ceux qui connaissent pas les Incollables, là, c'est Ça fonctionne quasiment sous le même principe là, que les codes de peinture quand vous allez au magasin pour choisir des couleurs, Ouais, sauf c'est en que... plein l'analogie que j'allais faire à part de ça. J'ai volé ton scoop. Non, c'est bien correct. Et donc, devant, on a la question et on a juste à flipper le carton pour avoir la réponse derrière. Donc, c'est facile et c'est grisant. Quand on joue à ça, je l'avais fait avec le hockey, puis je trouvais ça fort intéressant. Donc, sur l'automobile, on s'est vraiment surpris à aller chercher des questions qui sont quand même pointues pour certains. Pour d'autres, ça sera assez facile. Des questions quand même simples. Bref, tout le monde peut avoir des bonnes réponses, mais je vais vous dire que on voulait que ça ait un volet éducatif, et je pense qu'on a réussi parce que même moi, des fois, je joue, puis oups, là, celle-là, je la sais pas, faut que je cherche un peu. Ouais, c'est ça. Non, ils sont pas nécessairement toutes évidentes. Je l'ai feuilleté, puis il y en a que moi aussi j'ai la réponse là, mais il y en a certaines que c'est comme, hey, fouille-moi, j'ai aucune idée. Puis tu dis, ah, oh, oh, tu dis dans ta tête, oh, le monde de l'automobile, je connais ça, là, mais quand tu Oh, c'est pas commences parce à... qu'on répond aux questions des autres qu'on les connaît toutes. Non, c'est ça. Puis quand tu regardes ça, tu dis, OK, non, il y en a là-dedans que j'ai vraiment absolument aucune idée. Même tu as des noms que tu n'as jamais entendus. Donc, c'est vraiment intéressant. J'imagine, quand ils vous ont demandé 800 questions parce que tous les jeux de la série Incollable ont 800 questions, puis il faut qu'ils s'en tiennent à ça, j'imagine. Exact. Donc, il fallait vraiment qu'on puisse respecter là, leur schéma. Et donc, disons, quand on arrivait dans les dernières questions, là, ouh, il fallait chercher, il fallait surtout pas que les questions se répètent. Ouais. Donc, ça a été une gymnastique, là. Disons que les dernières journées ont été quand même assez ardues. Et puis, on se creusait les méninges un peu. Heureusement qu'il y avait l'Internet pour nous aider et aussi à chercher, mais juste d'avoir des idées de questions, c'était quand même des fois là assez costaud. Fait que là, on part comment? On se dit, bon, faut se trouver 800 questions, puis là, on fait... Au début, j'imagine, vous êtes allé avec des affaires qui vous venaient à l'idée, parce que vous connaissez ça, vous naviguez dans ce monde-là. Marc est chroniqueur automobile chez Autogo. Toi, tu travailles, j'imagine, tu travailles encore dans l'univers de l'automobile. T'es le porte-parole du Salon de l'Auto de Montréal. Fait que vous avez des connaissances ensemble qui doivent être quand même assez avancées. Fait que vous êtes probablement parti avec des choses fa qui sont faciles parce que vous le savez. Puis après ça, ben, vous avez fait des recherches sur Internet. Vous avez été chercher dans vos collaborateurs. C'est-tu comme ça que ça s'est Oui, passé? j'ai un bon ami qui mange du cinéma. Donc, les véhicules qui ont marqué quand même le cinéma, j'ai fait appel un peu à lui. Il y en avait que je connaissais. Il y en a d'autres qui m'a éclairé, qui m'a emmené sur des pistes intéressantes. Parce que bon, on a le cinéma bien entendu, on a aussi les séries télé. Il y a eu énormément de voitures qui ont marqué. Le petit écran, donc c'était intéressant. Donc les gens vont peut-être se replonger là, dans des souvenirs d'émissions de télé qui regardaient là, soit dans les années 70, 80, 90. Ça, c'est certain que les Incollables aussi, c'est un peu une machine à voyager dans le temps. Ouais, c'est ça, parce qu'on va n'importe quoi, puis il faut avoir une connaissance quand même assez large, là, parce que vous parlez de choses qui sont nord-américaines, américaines, européennes aussi. Donc, quand on tombe avec bon des marques européennes, si on parle de, je sais pas moi, Opel ou des choses comme ça, faut connaître nos affaires un peu, parce que l'amateur d'automobile moyen souvent va connaître ce qui se passe en Amérique du Nord, va connaître Ford, Kia, bon, toutes les compagnies qui vendent des produits en Amérique du Nord. Mais quand on tombe sur le marché européen, il y a des affaires qu'on n'a jamais entendu parler de ça, là. À moins vraiment que tu sois un maniaque, que tu fasses des recherches sur des sites, puis ça, c'est des marques que t'auras jamais entendu parler de ça. Fait que c'est là que ça commence à à être un petit peu plus compliqué si c'est pas quelque chose qui est évident parce que vous allez regarder une émission de télé qui parle de voiture, vous allez lire, je sais pas, un magazine américain qui parle de voiture, c'est bien rare qu'on va aller dans du Renault, puis dans du Opel, puis dans du C'est Vauxhall ou sûr, des on choses n'entend comme pas ça, trop là. parler de Skoda, mettons. C'est un petit peu Non. dans ce cas-là, c'est un petit peu tranquille. Depuis que l'ADA a quitté l'Amérique du Nord, c'est tranquille aussi. On entend moins parler. Fait que tu sais, c'est ça, puis je regarde les catégories. Bon, on a sport motorisé, ça j'imagine, c'était pas mal ton domaine. Oui, ça, disons que j'ai pas eu trop de difficultés à remplir ma section sport automobile. Ça, ça allait quand même bien. J'ai quand même été ce que je voulais, parce que bon, vous savez, il y a quand même tellement de catégories de sport automobile. Il y en a dont je suis plus familier. Il a fallu quand même que j'essaie de desservir autant un peu le monde du rallye, le monde du stock car super battu, de l'IndyCar, de la Formule 1, de l'endurance. Non seulement des pilotes qu'on reconnaît à l'étranger, mais des pilotes de chez nous qui ont marqué aussi le sport automobile. Et ça, pour moi, c'est important. Ouais, c'est ça, ben ouais. Parce qu'on a quand même de bons coureurs. On a eu de bons coureurs automobiles, puis on en a encore On en a beaucoup. aujourd'hui. Je Mais t'aurais bien mal vu dire d'autres choses. non, mais c'est vrai que ben non, c'est parce qu'il y en avait beaucoup dans. Moi, je suivais ça plus une couple d'années. Je voyais Bertrand, je voyais voyons, Carpentier, j'en voyais plein. Qui courait aujourd'hui, je le suis un peu moins, fait que puis il y en a moins aussi. Jacques est parti. T'sais, Bertrand, ben, tu fais plus de courses. Il en reste encore d'autres, mais il me semble qu'il y en a moins. Ou des fois, c'est des noms anglophones, c'est moins Ah, puis, c'est moins évident. ouais. C'est moins évident, puis il y a des pilotes aussi des années 80. Si je vous parle de Bertrand Fabie, je sais pas si ce nom-là vous semble familier, mais Oui, c'est un pilote qui a marqué beaucoup le sport automobile en Europe, malgré le fait que sa carrière a été de courte durée, compte tenu du fait qu'il a perdu la vie en 1986. C'était un pilote qui était appelé à vraiment pouvoir à l'époque reprendre le flambeau de Gilles. ouais, c'est ça. C'est ça aussi le problème, c'est que dans ces grosses années-là, des années agiles, puis la course automobile était beaucoup plus dangereuse qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux pas dire que c'est pas dangereux, mais les voitures sont mieux construites, sont faites pour Taper un mur protéger à un peu 200 km/h puis se relever. plus. C'est ça, Ouais. si tu regardes Ouais. l'accident de la Formule E avec Heidfeld qui a ramassé le mur, je veux dire, dans les années 80, jamais il serait sorti de l'auto indemne. Puis aujourd'hui, ben, ils sont capables de s'en sortir. Fait que c'est plus sécuritaire que c'était, mais il y a tellement de bons pilotes qui sont morts dans ces années-là, c'est presque, ça en est aberrant, là. Ah, c'est certain qu'à cette époque-là, c'était courir à 300 km/h dans une boîte de sardines. Hein. Ouais, c'est C'était ça. de l'aluminium, il n'y avait pas de structure déformable. J'ai eu malheureusement la chance de voir des photos de l'accident de Ricardo Pelletier à Montréal lorsqu'il a perdu la vie. Je peux vous dire que c'était horrible. Donc, oui, effectivement, les pilotes, quand ils embarquaient dans la voiture à l'époque, on savait pas si on n'était pas à revenir avec nos deux jambes. Ben, c'est ça, tandis qu'aujourd'hui, ben, les chances sont meilleures, mais je veux dire, aux vitesses que ça roule, là, je veux dire, tu peux jamais tout prévoir, là, mais bon, c'est quand même un peu plus sécuritaire que c'était dans le temps. Si on regarde les autres catégories, ben, c'est ça, il y a sport motorisé, il y a mécanique, il y a constructeur, marque et logo. Donc ça aussi, ça peut être spécial, surtout si on va sur des produits un peu moins connus. Voiture mythique et prototype. Encore là, des fois, ça peut être un peu les prototypes, des fois, il y a pas le monde n'en entend pas parler. Ça peut être traître. C'est ça, les innovations, puis bon, l'historique, où est-ce qu'on va aller avec plus l'histoire de l'automobile. C'est plein de catégories intéressantes. Moi, je regarde certaines catégories, puis c'est surtout. Il y a des choses, comme je disais, il y a des choses qui sont plus évidentes, il y a des choses qui le sont un peu moins. On peut regarder quelques questions, puis on va voir comment le monde va s'en sortir. Puis là, c'est pas fait pour piéger. Je veux pas dire, ah, Bertrand, il l'a écrit, hein, tu vas voir, il y aura pas à moitié des réponses. C'est pas pantoute ça le jeu. À 800 questions, là, si tu te rappellerais de toutes les questions, là, je trouverais ça weird. Je là là. trouverais ça bizarre. Regarde, j'aime ça l'automobile, mais je suis conscient qu'il y en a tellement qui en mangent. En plus, avec les légendes de la route que j'ai eu la chance de tourner là, avec les passionnés des collectionneurs, là, des Ouais. fois j'en rencontre. Ils connaissent même le grade de boulon qu'il y a sur le châssis à tel endroit. Donc, c'est Oh, mais ça, hallucinant. avec mon vieux dans le cours, c'est pareil. Celle-là, je la connais par cœur. Je prétendrai pas connaître les autres comme ça, par exemple. Ouais, Mais. c'est ça. Le vieux dans la côte, tu Le parles-tu mien. quelqu'un de ta famille ou tu parles de Ah, je Richard? parle de mon char. Ah, Pardon. ok, je me demande des J'en fois. ai parlé maintes et maintes fois ici, mais c'est Oui, vrai que ta prête n'est pas là. ah, Ton oui. Rambler. Ouais, non, c'est sûr. Mais t'es un collectionneur pareil, Martin. On parlait de collection tout à l'heure. T'en as une couple Ah, j'en ai 5-6. Ah Hein? oui? C'est bien assez. C'est quand même toi de plus que toi, quatre de plus, au moins toi de plus que moi. Toi, Ça ne peut-être tient quatre. jamais chez vous. Non, le mien est en visite tout le temps quelque part. Si c'est pas stationné pendant que je roule un char de presse, cette semaine, ça fait 2 semaines qu'il est à l'aéroport puis qu'il m'attend. Mais bon. Tranquille, il Non, ramasse pas de millage. des fois je me demande pourquoi je fais un paiement de char. Bon, si on regarde, on va jouer, on va se donner une couple de questions. J'essaie juste d'en trouver une, voir si vous êtes si surtout les gars, là, voir si. Et c'est quoi les catégories? Ouais, c'est ça. On va y aller, mettons, OK, on va y aller avec innovation, OK? Honda a innové en intégrant cet accessoire à son modèle Odyssey 2014. Quel est-il? Une balayeuse? Et Martin, tu gagnes 2 points? Ah! C'est la Honda VAC ou un aspirateur. Oui, Ah, c'est parfait. ça m'a pris un petit temps pour le réaliser, là, mais j'avais entendu qu'il avait sorti ça, une balayeuse intégrée. Mais c'est drôle parce que tu regardes ça puis tu dis balayeuse et innovation, ça va pas C'est pantoute dans la même super innovant. phrase, mais pourtant, dans une voiture, c'est hyper brillant parce que Ben, dans une minivan. Surtout dans une minivan, y a-tu de quoi de plus plate qu'aller chercher ta shop vac dans la cave pour nettoyer ton auto? Ça, c'est C'est sûr. vrai. Parce que je me mettais d'un côté, c'est ça qu'on dit d'une minivan. Là. Je me vois mal chercher ça dans une Corvette. Là. Ouais, c'est ça. Non, ouais, une Corvette, ça t'as peut-être moins de chance d'avoir des morceaux de biscuits égrenés entre 2 sièges en arrière. On va faire un blender. c'est ça. Si on va dans, mettons, la catégorie, Arrêtons le cinéma. cinéma. Ouais, cinéma, c'est parce qu'il J'en n'y a pas. ai une pour vous autres, les gars. OK, vas-y. Ok, Vas-y fort. cette Plymouth Fury 1958 a fait frémir plusieurs personnes au La cinéma. Christine, ça. Ah, C'est oh, quoi? regarde. C'est des classiques. C'est vrai, ils sont Justement, fastidieux, ceux-là. j'avais une question sur le jour perdu ce soir par rapport à la voiture Christine. Donc, Ah, ok. ah. Non, c'est un film culte. Culte, ouais. Fait que c'est quand même pas pire. Puis finalement, tu sais, si tu regardes dans ce temps-là, c'était vraiment nono comme effet spéciaux. Tout ce qu'il y avait à faire, c'est faire gricher la radio, puis tout le monde capotait. Ouais, c'est pas le même calibre. Si aujourd'hui tu referais ça, puis le monde te regarderait ok, t'sais, ouais, non, pas vraiment. Ah, t'attends. Ouais, c'est ça. Ah, regarde donc. C'est Ah ça, il est ben. où le punch? OK, tiens, une question un peu moins évidente. Dans quel pays est-il interdit aux véhicules motorisés de s'arrêter au passage piéton? La réponse est plus ou moins surprenante. En Chine? Bon, Martin, tu veux jouer de ça? Oh, c'est correct. OK. Automobile, il est-tu calé? Ouais, ben, d'après moi, oui, il connaît pas mal ça. Il se tient tranquille dans le coin, là, mais c'est le genre le bolide de la classe, je pense. Disais. J'en ai une, là. On va Vas-y. voir. OK. Qui est le descendant du fondateur d'une grande chaîne de magasins canadiens et qui a été pilote de Formule 1 de 1969 à 71? Ah, celle-là, je ne l'aurais pas. Un grand magasin canadien. Ouais. Là, tu parles d'une grande chaîne, Benson? Non. ouais. Comment? C'est pas Benson? Non. C'est sûrement pas Monsieur Zellers. Bizarre, ça me surprendrait. Non, pas du tout. Une grande chaîne. Oh, ouais. Non, Qu'est-ce que ça ça. se dit? On donne la langue au chat? Ouais. Ouais. George Eaton. Ah, OK. Eden. Ah, Eden. ouais. Ben Moi, oui, j'avais. George Eaton qui a couru en Formule 1 dans ces années-là. Disons qu'il avait les moyens de se le payer, même si la Formule 1 à l'époque était un peu plus abordable qu'elle ne l'est aujourd'hui. OK. Ah, non, je suis sûr, j'aurais pas pensé. Mais j'ai pas pensé à Eaton sur le coup non plus, parce qu'Eaton, ça fait quand même une couple d'années que c'est disparu. Fait que Ouais, ça. c'est une marque qui m'est pas revenue à l'idée pantoute. Zellers, ça vient de disparaître, mais je Oui. sais qu'il n'y a probablement pas de Monsieur Zellers de toute façon, là. Manquait juste d'essayer Steinberg, puis on était en business. Ouais, c'est moi Steinberg, je penserais pas que c'est. Non, non. OK. Mettons, ça, celle-là est facile. Si vous n'avez pas ça, je vais être surpris. Quelle est la voiture électrique la plus abordable en 2014? J'ai pas dit la meilleure, j'ai dit la plus abordable. Électrique, électrique. Électrique, électrique. Trajet électrique, c'est électrique, électrique. Sinon, La ça s'appelle livre. hybride. Non, non, la Leaf, c'est pas la plus abordable. Pas l'horrible et atroce Imiev. Eh bien, oui, Martin. Ah, ça, c'est de la douleur dans mes yeux, juste d'y Oui, penser, la grenouille écrasée, oui, là. elle-même. C'est Mais, quelque chose. ouais, ben, c'est ça. Mais pourtant, les gens qui l'ont ne l'aissent pas, la Imiev. Oui, ben les gens qui ont des cartes de golf au camping non plus, les aïssent pas, là. Mais ils vont pas avec leur carte de golf sur l'autoroute. C'est encore drôle jusqu'où ils sont capables d'aller avec, hein. Ouais, l'Imiev, ça serait. Il me semble que je serais nerveux de conduire avec ça dans le trafic entre 2, 3, 45 Moi, je suis pieds. camionneur, je serais Vous 100% à l'aise, là. ouais, toi, tu serais n'avez à pas l'aise. dans vos collections, les gars, la Imiev, là. Les pas dans notre quoi? Dans votre collection de voitures, là, vous avez Non, des non, petits non. mièvres. Non, Non. je me magasine un auto électrique, mais la Imiev, je l'ai regardé vite, vite, mais c'est ça, je l'ai Le regardé vite, gros bon vite. sens t'a rattrapé. Ben, ben, je me suis dit, je l'ai montré à ma femme, puis j'ai dit, garde, Elle rit de toi. c'est un auto électrique, elle dit, oui, elle dit, ça viendra jamais dans mon entrée. J'ai dit, OK. On va passer à d'autres choses d'abord. Mais c'est pas une mauvaise voiture, c'est juste qu'elle a l'air d'une voiture électrique. Oui, Ça a l'air d'autre chose. c'est ça. Quand on dit une voiture électrique, là, avant qu'elle essaie de devenir cool ou qu'elle ait l'air d'une vraie voiture, c'est de ça qu'elle avait l'air. C'est ça. Tandis qu'aujourd'hui, ben là, la Leaf, elle a quand même l'air un petit peu d'une voiture Oh, ça a l'air électrique. d'une auto. Mais la prochaine génération va encore avoir plus l'air d'une auto. OK, ah, tiens, tant qu'à parler de choses horribles. Dans le film À toute vitesse, ou appelé Driven, avec l'anciennement Rocky, maintenant Sylvester Stallone, une scène se déroule sur la route publique et dans un tunnel. De quel tunnel s'agit-il? Celui où toutes les couverts d'égout lèvent dans les airs, si je me rappelle bien. Je me rappelle de la scène du film. Ouais, c'était où que ça a été Peux juste me tourné? rappeler de la ville. Ouais. Jean-François, non? Mais bon, j'ai même pas vu le film. Il y a 2 heures de ta vie que t'as C'est pas la perdu. piste ou la ville tu Mais cherches? La ville. La ville. Ah, oh, pas une durée certaine. le Non. chat va ravoir ma langue. Ouais. Pourtant, hey, je te sors des questions Je peux-tu pointues. m'essayer? Ouais, ben oui, vas-y fort. C'est pas Monaco. Non. Ça se rapproche quand même. Sauf qu'il fait un peu plus froid qu'à Monaco. Pas mal. Ça se peut-tu Montréal? C'est pas mal ça, oui. Oh, Le oh. tunnel Oh. Ville-Marie à Montréal. Non, là, je triche, les gars, parce que j'ai tourné dans ce film-là. Ah ouais? Oui, à Ah. l'époque, j'ai été approché pour pouvoir justement tourner. On avait tourné des scènes à Chicago, à Toronto, à Montréal, à Blainville. Et il y avait eu ces scènes-là qui avaient été tournées dans le tunnel Ville-Marie. Et nous autres, ben, on était quand même plusieurs pilotes, là, de renom. Il y avait David Imbrigham, Claude Bourbonnais, Rick Vail. On était là ensemble, on tournait autour de Stallone qui, lui, sa voiture était accrochée derrière un pick-up. OK. Il était très, très insulté, Monsieur Stallone, parce qu'il aurait tellement aimé ça pouvoir conduire les voitures, mais son directeur, il faisait pas confiance pantoute. Et Oups. finalement, le film, personnellement, qu'on est allé à la première parce qu'on a été invité à la première, on m'a demandé qu'est-ce que j'en pensais. T'sais, Flash est arrivé, puis il m'a glissé le micro sur le nez. Ils m'ont dit, Bi Bertrand, comment c'était? J'ai dit, c'était payant. C'est tout Ça ce veut tout dire. que j'ai dit. Ça voulait tout dire. Ouais, non, c'était vraiment pas bon, mais Non, c'était de très mauvais goût. c'était assez horrible comme film, Pour puis être franc, avant que tu en reparles, là, le seul souvenir que j'avais de ça, c'est quand il ramassait des 30 sous avec les pneus. ah oui. Ouais, C'est la seule scène que je m'étais rappelée, c'est que c'était le meilleur casting du film, c'était le pneu qui ramassait un 30 sous. Et vous savez quoi? Ça, il a pris ça parce qu'on lui a dit à un moment donné qu'un pilote était tellement précis que si on mettait un 30 sous à une place, il passerait toujours dessus. Finalement, oui, de la manière que ça a sorti, quand j'ai vu ça, je capotais, j'ai dit, il n'y a pas un 30 sous qui va tenir sur un pneu, voyons donc. Hein. Les pneus, la gomme morte revole, tout ce qui peut être sur le pneu revole. Donc, À c'était vitesse, complètement ça tourne. hallucinant. Ouais, puis un 30 sous doit faire un moyen projectile aussi. Ça doit être que juste une roche prise dans un pneu, ça peut déjà devenir quelque chose. Ouais. Aujourd'hui, avec les coupures, là, ils ne pourraient plus faire ça. Ouais, non, c'est vrai. L'argent qui revole de même, là, on verra pas ça souvent. Non, c'est sûrement pas. À part si, bon, si ça serait un film qui serait subventionné par bon, la construction ou le gouvernement. Mais on va regarder ça demain. Je tiens à mes jambes. Si on y va, bon, une petite dernière, là. Bugatti est un constructeur italien. Est-ce vrai ou faux? Faux. Faux. OK, c'est quoi? Français. Bon, c'est ça. Ah. C'est ça, mais c'est pas parce que ça a un nom italien que ça. Là, que c'est italien. Bugatti qui font des chars quand même abordables. Hein? On a tout un. C'est des petits véhicules bon marché, là. On a toute une Veyron dans Ah. notre entrée. Oui. Moi, Bleu j'en ai Bugatti. Ouais, t'en as une en modèle réduit ou dans ton une. Un simulateur? 12. Un 12. Un J'en 12. ai une dans Forza aussi, si je me force. Ouais, mais Le ouais. même jeu, une autre anecdote à part, mais c'est le même jeu que je pense que c'est Bertrand qui me l'a donné dans la présentation. De quoi? Dans quelle présentation? Mon jeu de Forza, je pense que c'est Forza 4 que j'ai qui traîne Ah sur une tablette, oui. là, puis je pense que c'est Bertrand qui me l'a donné en plus. Aïe, aïe, oui, c'est vrai, j'avais participé à la présentation de Forza 4. Oui, puis on avait fait une entrevue filmée en plus. Ah, ça serait bon à retrouver. T'as Aïe, aïe. ça sur Ben oui, c'est à YouTube à quelque Montréal. part? Je suis pas sûr qu'il y a envie qu'on voie la finale, mais hein? Pourquoi? Si tu parlais du poil sur le chest, c'était bien. Oups, OK. Ah ben non, moi, regarde. Non, ça a Je vais coupé, essayer là. de J'ai retrouver rien ça. entendu. Ah! Il Je vais s'en essayer de retrouver, je pense. rappelle pas, il a effacé ça de sa Non. mémoire. J'avais un blanc de mémoire là-dessus jusqu'à ce que j'en reparle, Mais Forza, qui est quand même un jeu. Peut-être un Xbox, Martin? Oui, j'ai un vieux Xbox qui accumule la poussière. Moi, je roule mes autos beaucoup plus que ça. N'est-ce pas Forza 4, ça te prend un Xbox 360? Ouais, j'ai un vieux Xbox Ah, blanc quelque OK. part. Un beige, là, OK. Ouais, blanc, ben le dessus est gris, le dessous est blanc. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis c'est cette couleur-là parce que Microsoft avait fait des recherches, puis tout le monde voulait une console beige. Mais non, c'est ça. C'est pas vrai. Non, mais Forza 4, qui était un des bons jeux de Forza. Puis Forza Horizon, ceux qui ont pas joué à ça. J'en avais fait la critique sur un podcast de char parce que je pensais que ça valait la peine. C'est le fun comme jeu, c'est intéressant. Puis c'est le fun de voir que tu peux conduire une voiture. Puis j'imagine dans ton simulateur, ça serait vraiment quelque chose d'intéressant, Bertrand, parce que tu as vraiment la sensation qu'une voiture est plus puissante que l'autre, puis juste avec une manette des mains, juste la manière que la voiture se comporte. Fait que j'imagine dans un simulateur, ça doit être assez intéressant. Faudrait que tu demandes une patch à D-Box pour On va arranger Forza ça. Horizon. Ça serait Ben, quand même pas pire. oui, puis surtout qu'au niveau graphique, là, waouh, que c'est super beau. Ah oh, ouais, c'est beau jusqu'à temps que tu décides de stationner l'auto puis de regarder un peu, parce que quand le soleil change de place, il change en genre en saccadé. Ça, c'est un Oh. peu moins beau, mais pour le reste, tant que tu roules, c'est correct. Puis rouler une Lamborghini à 200 km/h dans un champ de blé d'Inde, c'est quand même assez intéressant. Bon, il y a des bugs dans le jeu, là. À un moment donné, j'ai trouvé une place où les voitures, c'était pas les oiseaux se cachent pour mourir, c'est les voitures se cachent pour mourir. Il y a une espèce de pont caché à quelque part dans le jeu, puis toutes les chars venaient se pitcher dans le trou. Puis il était plus capable de sortir, puis c'était comme, c'est donc bien bizarre. J'aurais dû prendre une vidéo de ça, puis le mettre sur YouTube, parce que c'était vraiment spécial. Puis je retrouverai plus jamais la place dans le jeu, là. Je suis rendu tellement plus loin que ça, mais c'était vraiment intéressant. Les Incollables, moi je trouve que c'est super le fun, c'est une super bonne idée, c'est super bien fait. Si vous voulez faire honte à mon oncle Gérard, qui dit qu'il connaît l'automobile pendant le temps des fêtes, allez vous chercher ça, puis prenez-la en traite. Vous allez voir, ça marche. Il y a plein de questions. C'est des heures de plaisir. J'imagine qu'il y a divers niveaux de questions aussi, là, c'est Ouais, pas. ben il y Oui. en a des plus faciles, mais tu sais, il y a six. Il y Ouais, j'ai a. vu qu'il y en avait des plus faciles, des plus difficiles, là, ça j'avais remarqué. Ouais, c'est ça. Mais... T'sais, il y a quand même six questions par côté, 5 questions par côté. Fait que vous pouvez toutes les descendre après l'autre, vous pouvez juste jouer en changeant de carton à tout bout de champ, des choses comme ça. Puis vous pouvez être plus fin en vous disant, bon ben ok, je vais poser celle-là au plus jeune pour qu'il se pense pas trop pas bon. Ou tu sais, mon oncle Gérard m'a donné une chance, ça fait 40 qu'il n'y a pas de correct, je vais y en donner une facile. Là. Fait que, mais c'est super intéressant, je trouve que c'est une super bonne idée. C'est pas cher en plus, c'est comme 15 $. Ça se trouve sur différents sites. Le plus simple, moi, j'ai trouvé, c'est sur TC Media. C'est tout ça, c'est ouais, TC Media Livre. Tapez juste les incollables auto dans Google. Puis je pense qu'il y a pas mal de monde qui le recherche parce que ça a sorti d'un premier quand j'ai tapé les incollables. Fait que ça va peut-être avoir des bonnes ventes pour le temps des fêtes. On va souhaiter. Ça doit être à cause de mon article que j'ai mis sur Kijiji. Je l'ai nommé dedans. Ça doit être pour ça, le gars se donne des tapes dans le dos. Ah, c'est bon, ça. Hey, merci. Non, je l'avais dit à Marc, j'ai dit, ah, il dit, je vais t'en envoyer une copie. Je vais le mettre dans ma liste de cadeaux de Noël. Je suis en train d'écrire un article là-dessus, puis je manque d'idées à un moment donné. C'est le fun d'aller, tu sais, un peu large. C'est bien beau de donner des outils, puis des affaires comme ça, mais tu sais, des jeux, à part en anglais, normalement, il y a des affaires de Top Gear, puis des choses comme ça, mais en français, c'est bien, bien rare. Fait que quand il m'a envoyé ça, je disais, hey, c'est donc bien une bonne idée, ça. Fait que j'ai trouvé que ça valait la peine que je l'embarque dans mon article. Fait que c'est. J'espère que vous allez avoir du succès avec ça. C'est super bien fait. On voit qu'il y a beaucoup de travail qui a été mis pour que ça soit le fun, ça soit facile à utiliser aussi. Fait que bravo, félicitations, je trouve que c'est un super beau projet. Peut-être les Incollables 2 pour l'année prochaine avec 800 nouvelles questions, j'imagine. Ben là, les gars, je vais vous appeler. Ça va venir compliqué. Oui, cerner, je vais vous appeler puis on va essayer de faire de quoi ensemble. C'est ça, on se mettra 8, mais on trouvera 100 questions chaque, puis on s'arrangera pour avoir des doublons. C'est peut-être ça qui va être compliqué. On va les croiser. Tu t'assois à table toute fière, puis on a chacun les 100 mêmes questions. C'est genre, ah, oh, ok, finalement, ça n'a rien donné. Mais sur 14,95 sur TC Media, je pense que ça vaut la peine d'aller faire un tour. C'est un produit québécois. C'est fait par des gars d'ici, des gars hyper sympathiques. Fait que moi, je vous dirais, allez faire un tour, puis allez acheter ça. Puis donnez ça à quelqu'un qui tripe voiture, là, vous allez voir. C'est super intéressant. Ouais, puis il y a plein de questions que c'est sûr qu'ils trouveront pas. Je peux admettre que ça serait plus mon genre de m'asseoir et les lire tout seul, mais. Ouais, mais les apprendre par cœur, puis après ça, être sûr que. Non, juste pour les apprendre par cœur. Ouais, c'est ça. Ça mais non, mais il y a des affaires hyper intéressantes parce que, tu sais, en regardant, on apprend, tu sais, ah ouais, c'est vrai, qui, tu sais, c'était qui cette personne-là ou. Ah, ok, tu sais, il est le père de la coccinelle. C'est qui? Ben, ouais, c'est Ferdinand Porsche, tu sais. Mm-hmm. Ah, le gars de Porsche? Ben, ouais, lui, tu sais. Fait que, tu sais, c'est... Le même, mais oui. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, tu vas apprendre plein d'affaires comme ça. Fait que je pense que ça vaut la peine. Puis ça va aussi améliorer vos propres connaissances dans le monde de l'automobile. Puis c'est toujours le fun d'envoyer une question d'auto à belle-maman pendant un souper. Puis la regarde. Toujours apprécié. Mais non, tu sais, mais non, mais c'est entre gars puis entre amateurs d'auto. C'est super le fun. Des fois, vous cherchez de quoi faire, là, tu sais, quand le Canadien perd 8-0. À un moment donné, c'est bien beau continuer à regarder la partie de hockey. Vous sortez votre jeu de cartes, vous allez changer l'atmosphère dans la pièce. C'est super le fun. Fait 14,95, c'est pas trop cher pour avoir, bon, 800 questions de plaisir, là. Ça peut passer une belle petite soirée, mettons. Fait que Bertrand, merci beaucoup d'être venu nous expliquer un peu ton jeu. Merci. Ben regarde, c'est notre jeu parce que bon, Marc, avec Marc, ça a été très très agréable de faire ça, puis avec bon les autres collaborateurs bien entendu. Puis regarde, si on a du plaisir à jouer, faites-vous-en pas, on a eu du plaisir à le faire aussi. Donc je pense que ça reflète bien là ce qu'on a vécu. Ouais, non, c'est je pense que c'est un super beau projet. Puis oui, Marc. Marc était quand le jeu a sorti, il était hyper fier. Il m'en a envoyé une copie, puis tu voyais qu'il était fier du produit que ça a donné en bout de ligne. Puis je veux dire, je vous comprends là. C'est vraiment super bien fait, c'est vraiment super intéressant. Fait que chapeau les gars. Puis moi je vous dis, si vous cherchez des petits cadeaux à donner, tu sais, des fois on fait des échanges de cadeaux, puis on cherche des petits cadeaux pas trop chers, pas des affaires à 50$, des petits cadeaux à 10, 15, 20$. Mettez ça dans un échange de cadeaux. Puis ça va être super le fun, c'est pas cher, puis je veux dire, tout le monde peut jouer à ça. C'est sûr et certain que pour certaines personnes, ça va peut-être être plus compliqué, mais quelqu'un qui connaît un peu ou qui aime C'est le sûr monde de que les l'automobile. écolos qui tripent ces vélos, je suis pas sûr que c'est Bon, l'idéal, mais c'est OK, sûr qu'il y a peut-être quand pas. même, il y a quand même une bonne. On peut y aller large quand même. Ben, si il y a des émissions de la télévision qui parlent de voitures, des choses comme ça, c'est parce qu'il y a du monde que ça intéresse. Fait que ça tombe en plein dans le centre d'intérêt de gens qui aiment l'automobile. Puis je pense que c'est un super beau cadeau. Vous avez quelqu'un que vous savez qui tripe sur l'automobile, vous voulez rajouter un petit cadeau dans ce que vous y faites. T'sais. Vous y achetez une Bugatti Veyron pour Noël, ben mettez ça sur le siège du passager. C'est 15 piastres de plus, puis il va être super heureux. Parce que quand il n'y aura plus d'argent pour faire réparer sa Bugatti ou faire changer les pneus, il va Va encore juste pouvoir mettre du jouer à gaz son jeu. C'est ça. dedans. Mettre du gaz dedans. Il va encore pouvoir jouer à son jeu. Fait que non, franchement, je suis vraiment impressionné de ce qui a sorti là-dedans. Puis félicitations les gars. Je l'ai déjà dit à Marc, je te le dis à toi aussi, parce que c'est la première fois Merci. qu'on se parle depuis ce temps-là. Fait que je trouve que c'est un super beau projet. Merci d'être venu sur l'émission. Comme je t'ai dit avant, j'ai l'intention de vous réinviter dans un avenir rapproché pour parler du Salon de l'Auto. T'es encore cette année le porte-parole du Salon de l'Auto de Montréal, t'es là depuis plusieurs années maintenant. Puis je suis super content de savoir qui te garde, parce que comme on jasait l'année passée, puis j'espère qu'on ne se sera pas tapé ses doigts, il change de président à chaque année. Au moins, le porte-parole reste le même. J'ai choisi le bon rôle depuis 2001. C'est ça, au moins, il se débarrasse pas du porte-parole. Le président out, mais le porte-parole reste. Fait qu'au moins, ça fait une image qui Continuité. reste. Ouais, c'est ça, ça fait une continuité pour le public de voir que c'est toujours Bertrand qui est là. Ben, Puis de toute façon, le président, le public en général n'est pas capable de le nommer de toute façon. non, Non, c'est c'est ça. vrai. Normalement, non. Tandis que Bertrand, le monde sont capables de le reconnaître. Puis je sais que tu es toujours sur place la journée de la presse. Puis tu es un gars super sympathique. Tu parles à tout le monde. C'est vraiment super le fun. Fait que j'ai hâte de te revoir là cette année. M'a passé te dire un petit coucou. Puis comme j'ai dit, si ça t'intéresse toi et Marc, je vais vous réinviter pour parler du Salon de l'Auto. Parce que je sais que vous êtes un peu ben toi, tu es beaucoup impliqué. Marc aussi est un peu impliqué avec Autogo dans le Salon de l'Auto. Fait qu'on jasera de ce qu'on attend à voir. Puis tu nous parleras un peu de ce que tu auras le droit de nous dire, parce que je sais qu'il y a des affaires qu'il faut garder comme surprise. On peut pas nécessairement tout dire, mais si ça tente de venir faire un tour, on jasera du Salon de Montréal, puis un peu d'autres choses. Puis des fois, on peut parler de courses, puis toutes sortes d'affaires, là. Moi, tant que ça tente de venir, je suis prêt à t'inviter. Ah ben, c'est certain que je vais, ça va être un rendez-vous, puis on va pouvoir partager nos passions, puis parler des modèles qui nous intéressent, et puis des voitures pour rêver aussi. Bref, il va en avoir pour tous les goûts. Donc, c'est vraiment un plaisir qui est renouvelable année après année, et puis je suis content de pouvoir partager avec des gens comme vous autres. C'est vraiment, vraiment plaisant. Merci, t'es super fin. Si jamais les gens veulent communiquer avec toi, y a-t-il une manière qu'ils peuvent t'envoyer un courriel? T'es-tu sur Twitter? Oui, je suis sur Facebook aussi. Donc, vous pouvez m'envoyer des messages par Facebook. Donc, j'ai deux sites, là. J'en ai un là, qui était personnel, mais je suis rendu à 5 000 personnes. Moins personnel un peu. Ouais, c'est Ouais, ça. ben là, c'est ça, j'en ai monté un autre que là, bon, ça devient illimité, là. Donc, on peut s'abonner juste à taper Bertrand Godin sur Facebook. Pour te trouver, parfait. Puis vous autres, les gars, Martin, je le sais, il y a, je dis, à un moment donné, tu écrivais pour le site, bon, on peut laisser faire, le monde s'en commence à être habitué. Si le monde veut te rejoindre, comment est-ce qu'ils font? Oui, ben sur la plupart des réseaux sociaux, c'est le même principe. On fait juste écrire mon nom, Martin Sagala, puis on devrait me trouver. Non, ça devrait, je pense pas qu'il y en ait 20 des Martin C'est assez Sagala. rare, les autres ont Ouais. l'air de venir des Philippines ou quelque chose comme ça, là. Il y a quand même une différence marquée. Si vous voyez que la description n'est pas écrite en français, c'est pas Martin. Puis toi, Jean-François? Ben, sur Twitter, à JF Filiu. Parfait. Moi, si vous voulez me rejoindre, Twitter, Ascalazormo. Il y a aussi le compte du podcast Auto à Podcast Auto. On a un site internet qui est là vraiment pour mettre l'émission. Si vous cherchez une émission en particulier, vous la trouvez là, Ah non, il est podcastauto.com. là pour quand j'écris un article aussi, moi. Ouais, c'est ça, mais bon, il est là pour les émissions. podcastauto.ca. Puis vous pouvez me lire sur chaque semaine sur Kijiji. C'est frkijijiblog.ca dans la section automobile, comme vous auriez pu le deviner. Puis bon, à chaque semaine, je mets un article. Cette semaine, ça va être la Kia Optima, si je me rappelle bien. Puis la semaine prochaine, une petite voiture bien, bien le fun, c'est la Ford Fiesta ST qui est une petite auto de course pour la route. Je vais vous en parler sur le podcast aussi bientôt. Peut-être la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines, mais je vais vous en reparler. On va prendre une pause pour le temps des fêtes. On vous parlera de ça sur la prochaine émission. On va être là la semaine prochaine. Donc, messieurs, un gros merci d'avoir encore été là avec moi. Bertrand, encore une fois, merci, un énorme merci d'être venu faire un tour, d'avoir pris de ton temps personnel pour venir nous jaser. Ben, ça me fait plaisir, puis passer des joyeuses fêtes. Ben, toi aussi, puis on. Ben, toi aussi, merci. Puis on va sûrement se croiser au salon de l'auto. Donc, là-dessus, tout le monde, ben, je vous remercie d'avoir écouté, puis on se dit à la semaine prochaine. Bye. Bye-bye.